après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On vient de parler de la NFL, là, on va faire le tour du côté de la NCAA. On en parle avec notre collaborateur également du site leblitznfl.com, Wallet. Salut Wallet. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Beau voyage à Nashville, Wallet? Ah ben, oui, la température était numéro un, puis beaucoup de choses à faire et à voir. Ah, t'étais combien de temps, hein? 6 jours. 6 jours. Moi, je vais probablement y aller. J'essaie de me décider pour y aller en début septembre, 4 jours, avec la gang de sportifs en voyage. Et ça va être dangereux. Puis on dit que c'est une super de belle ville. Fait que c'est à voir. Oui, effectivement. Puis si tu veux, en plein milieu de la saison de football, alors, c'est sûr qu'en septembre, il n'y a pas encore de hockey. Mm. Là, mais pour m'être promené dans la ville, là, je dirais que. Tu vois que les gens de la place, ce sont des partisans, des titans et des prédateurs. C'est pas juste une ville de football là, comme qu'on pourrait croire dans le sud des États-Unis. Ouais, c'est ça. Les prédateurs sont très présents, puis les fans sont derrière l'équipe. Donc, okay. C'est le fun d'avoir. Hein. OK, on va y aller avec les matchs qui s'est passé la semaine passée du côté de ce qui a marqué la semaine passée. Moi, ce que je remarque, c'est Kentucky. Kentucky qui sont allés battre une formation qui n'avait pas battu depuis fort longtemps. Et je parle évidemment de Florida. Florida, effectivement. Donc Kentucky, je pense que ça faisait 25 matchs de fil, quelque chose de même, qui n'avait pas battu les Gators. C'était 31 matchs. 31 matchs. Donc là, ils ont battu leur bête noire. Oui, Kentucky, c'est pas une grosse force du college football. Là. Une fois de temps en temps, ils ont des bonnes équipes. Beaucoup plus fort au basketball. Beaucoup plus fort. Exactement. Ouais. C'est une équipe qui, à chaque année au basketball, vont se classer très haut. Qui sont des équipes, une équipe à suivre quand on arrive au March Madness. Mais au niveau du football, c'est pas tant leur force. Ils ont profité peut-être de la faiblesse de Florida State qui, en fond, sont dans une année de transition. Un nouvel entraîneur-chef qui essaie d'établir un nouveau système. Puis Kentucky qui se présente à ce match-là. Je regarde les statistiques, là, c'est au-dessus de 300 verges qui a été coulé au sol, là, que ce soit par le corps arrière ou le porteur de ballon de troisième année, Benny Snell. Il va avec un gros match là, de 175 verges. C'est ce qui a fait la différence dans ce match-là. OK. Faut regarder également dans les matchs qui sont intéressants, c'est Stanford qui a battu USC. Ça s'est passé à Stanford, en banlieue de San Francisco. Love, le porteur de ballon, qui a eu un match de plus de 100 verges. Oui, ben il était temps, là. Il était temps. C'est le deuxième match de la saison, là, mais Bryce Love, on le voit comme le Saquon Barkley de 2018. On veut en voir beaucoup de lui. Puis comme que j'écrivais plus tôt cette semaine là, sur le site du Blitz, la victoire de 17-3, c'était pas une grosse victoire, mais à ce moment-ci de l'année, on le sait que USC a une très bonne défensive. Puis on dirait que l'offensive de Stanford est encore en période de rodage, donc quand même mettre 17 points au tableau contre une équipe aussi dominante en défensive que USC, c'est bon. Puis c'est peut-être le début pour Bryce Love. Là. Les prochains matchs de l'équipe devraient être un petit peu plus faciles là, avant leur affrontement contre Washington au mois de novembre. Donc je regarde leur horaire. Là. Il y a Oregon qui sera pas facile, Notre Dame, après ça, Utah, Arizona State, Washington State, ça pourrait être des matchs où est-ce que tu vois Bryce Love là, qui est un petit peu meilleur là, que ce qu'on a vu la première semaine. Ouais. Et l'autre match qu'il faut regarder également, ce qu'il faut revenir, c'est Arizona State, qui sont menés par Emron Edwards, l'ancien des Jets de New York, qui ont battu Michigan State. C'est quand même une certaine surprise. Michigan State qui est classé dans les 20 premiers. C'est ça qu'on peut parler de surprise, là. Oui, mais regarde, j'en parlais là, plus tôt là, dans mes chroniques là, de début de saison, quand on fait les top 25 de pré-saison, là, souvent on se fie à ce que les équipes ont fait l'année dernière, puis les effectifs qui venaient, puis naturellement, année après année, on se trompe, puis je pense que Michigan State, c'est une équipe qu'on clairement on s'est trompé. Là. La première semaine de l'année, ils ont eu toutes les misères du monde à battre une équipe de division 2, puis là, ils se font battre contre Arizona State. Une équipe comme Arizona State, ce que j'aime voir avec Herm Edwards qui est là, c'est que finalement, on le sait que l'équipe a du talent. Il y avait juste besoin de quelqu'un pour tout mettre les pièces ensemble puis motiver ses joueurs. Puis la Pac-12 South, ça fait des années qu'on parle juste de USC puis de UCLA. Ouais. Fait que voir une autre équipe arriver dans le décor qui est maintenant dans le top 25, moi, je trouve ça très intéressant. Puis je lui souhaite le meilleur pour les prochaines années. Sûrement qu'un gars qui est un entraîneur d'expérience comme Edwards, comme Pete Carroll. Hein, Pete Carroll, quand il est arrivé à USC, il arrivait de la NFL avec les Jets de New York. Certainement que là, il est retourné avec les Seahawks de Seattle. Certainement que quand les entraîneurs arrivent de la NFL, pour le recrutement, ça doit être plus avantageux. Hein. Au niveau du recrutement, puis expérience, au niveau de l'expérience, la compréhension, c'est sûr que les expériences peuvent être différentes d'une place à l'autre. Comme tu vois, là, Edwards, il a un bon début de saison. À l'opposé, tu as un gars comme Chip Kelly qui a connu beaucoup de succès en Oregon, ouais. Qui était dans la NFL. Ça n'a pas été aussi bien, mais il reste quand même un très gros nom dans le monde du college football. Son début de carrière avec UCLA, il n'est pas terrible pour l'instant, mais qui sait, peut-être que dans 2 ans, on va parler de UCLA comme une équipe qui peut espérer faire les séries, puis Arizona State va peut-être une équipe qu'on va parler une fois de temps en temps parce qu'ils ont une bonne performance. Donc, les choses peuvent changer, mais c'est sûr qu'au niveau, comme tu dis, du recrutement, ça a un impact majeur d'avoir un gros nom qui vient te recruter, puis comprendre un peu le système de jeu, puis comprendre un peu comment que les choses fonctionnent dans le monde du college football. Parce que naturellement, c'est très différent de la NFL. On va y aller avec le Power Ranking. On va se prendre ce qu'on a vu sur Associated Press. Alabama, Clemson, Georgia, Ohio State et Oklahoma. Dans les deux, là, j'ai l'Associated Press et j'ai le Coach Poll qui met exactement la même affaire. Donc, il semble avoir une unanimité au sein même des 5 premiers, là. Ouais, ben ça, c'est pas très surprenant là, avec la dernière semaine qu'on a eue. Il n'y avait pas beaucoup de gros matchs, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. C'est des choses qui arrivent souvent là, en septembre là, qu'on voit que les équipes du top 10 changent pas beaucoup. Surtout au top 5, là, quand on voit des équipes comme Alabama, Clemson, on parle dans les 5 équipes qui sont là, tu as les 5 équipes qui ont fini dans le top 5 la saison dernière. Donc, on va se donner quelques semaines, puis après ça, le top 25 ou le top 10 ou le top 4 qu'on veut suivre va être un peu plus intéressant, puis le comité qui va s'inclure là-dedans. Donc, pour l'instant, pas beaucoup de changements à ce niveau-là. OK. On va y aller maintenant avec les matchs de la semaine. Écoute, il faut quand même en retenir deux. Moi, j'en retiens deux. En tout cas, là, c'est à 15h30 sur CBS demain. C'est un match déjà, c'est déjà d'une extrême importance demain entre Auburn et LSU. Oui, puis je l'ai trouvé sur le site du Blitz, pardon. Ouais. Moi, c'est le match qui m'intrigue le plus. Parce que ça a un impact sur la SEC West. Oui, effectivement. Puis tantôt, quand on parlait là, des conférences qu'on voyait fort, puis d'autres qu'on voyait moins fort, tu vois, la SEC West, on se disait, ah, ben, ils vont être bons, mais ça va être encore juste Alabama puis Auburn. Mais regarde, LSU est très bon. Texas A&M qui a quasiment causé la surprise en battant Clemson la semaine dernière, ils sont très bons aussi. Là, t'as LSU puis Auburn, peut-être l'équipe 2 et 3 qui s'affrontent. Très bon test pour LSU au niveau de l'offensive, avec leur corps arrière Joe Burrow, un transfert de Ohio State. Jouer contre Auburn, leur défensive, c'est jamais facile. Puis, comme que j'expliquais là, plus tôt là, dans un autre podcast que je fais, les deux équipes, je trouve qu'ils se ressemblent quand même. On a des offensives qu'on ne sait jamais trop quoi s'attendre. On sait qu'on a des bons carrières cette année, mais c'est vraiment au niveau de la défensive. Là. Je regarde au niveau de LSU, il y a au moins 2 joueurs dans leur tertiaire là, qui devraient éventuellement sortir dans la première ou deuxième ronde là, du prochain repêchage de la NFL. Donc, ce ne sera pas un match facile pour aucune des deux équipes. Puis, je m'attends à un match très défensif. Ça devrait être à bas pointage. Ma prédiction, là, je me mouille. Là, d'après moi, Auburn devrait gagner ce match-là environ 21 à 17. OK. Donc, c'est un match qui, pas besoin de vous dire que c'est tellement important. L'autre match que j'ai retenu, moi, c'est à 20h sur ABC. C'est le match entre TSU et Ohio State. Oui. Marianne, en début de saison, là, je le disais, là, j'avais vraiment hâte de voir ce match-là. C'est le dernier match des Buckeyes d'Ohio State sans Urban Meyer, qui est suspendu. Honnêtement, aujourd'hui, je suis vraiment plus certain que je suis excité face à ce match-là, juste à cause de la manière qu'Ohio State joue depuis le début de la saison. C'est vrai qu'ils n'ont pas joué des équipes extrêmement fortes. On parle d'Oregon State puis de Rutgers. Mais quand même, ça reste deux équipes du Power 5, puis les Buckeyes les ont complètement détruits. On parle d'un rouleau compresseur en offensive qui fait peur. Pour l'instant, là, si je ne me trompe pas, la cote de ce match-là, Ohio State est favori par 12,5 points. Moi, je m'attends à une victoire pas mal plus élevée que ça. D'après moi, Ohio State devrait gagner là, par quasiment 3 touchés. C'est pas que j'aime pas TCU, je pense que ça reste une excellente équipe, mais de la manière que Ohio State joue en ce moment, puis de la manière que leur défensive joue surtout, ils offrent aucune chance à leur adversaire, puis après ça, l'offensive ont tout le temps qu'ils veulent pour s'installer, puis travailler, puis créer des opportunités en offensive. Là. OK, donc c'est des matchs que moi j'ai retenus pour... Y a-t-il d'autres matchs qui t'intéressent, moi? Je te dirais que je regarde les matchs de 12 heures. Il y en a 3. Il y a Oklahoma qui joue contre Iowa State. Ça devrait être un match facile pour Oklahoma, mais juste pour voir encore une fois l'offensive des Sooners avec Kyler Murray, je pense que ça vaut le détour. Puis au niveau d'un autre match qui était à midi sur TSN2, Florida State contre Syracuse, on parle de deux équipes qui s'en vont dans des directions complètement différentes. Florida State qu'on s'attendait à avoir renouvelé avec la victoire en 2018, ont un début de saison complètement terrible. Puis Syracuse qui sont pas si pires que ça en début de saison. Donc d'après moi, ça devrait être un match chaudement disputé. Moi, mon plan de match, c'est de regarder le début d'Oklahoma puis Iowa State, juste pour voir l'offensive des Sooners tout détruire pendant le premier quart, puis par la suite faire le changement, puis écouter la fin de match entre Florida State puis Syracuse, qui devrait être un match en vain. OK, donc ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Wallet, de la NCAA? Oui, toujours content de vous parler, puis en espérant qu'on ait du bon football demain. Effectivement, ça devrait marcher, donc ça devrait être du bon football. Ben, Wallet, un gros merci, on se reparle bientôt. Yes, salut. BW Wallet du site internet Le Blitz.